quelque part dans le monde, un pays meurtri par les bombes, dans un bar d'une ville perdue, une estrade où elle danse presque nue pour des hommes, la plupart des moutons d'une cause qu'ils suivent sans condition. Et danse, elle danse comme volant dans un ciel d'azur et de miel. Et douce, elle est douce, elle caresse de volute ces hommes sans but. Et danse, elle danse, elle dessine de ses mains les courbes d'un lendemain qui doux sera doux, s'en remoussera la nuit pour qui partagera son lit. Depuis que son homme est parti pour lutter et défendre la patrie, elle a dû, pour que ses filles puissent manger et sacrifier honneur et dignité. Chaque soir, elle sent son dégoût grandir envers ceux qui l'observent se dévêtir. Et danse, elle danse comme volant dans un ciel d'azur et de miel. Et douce, elle est douce, elle caresse de volus ses hommes sans but. Et danse, elle danse, elle dessine de ses mains les courbes d'un lendemain qui doux sera doux, s'en remoussera la nuit pour qui partagera son lit. Et danse, elle danse comme volant dans un ciel d'azur et de miel. Et douce, elle est douce, elle caresse de volus ses hommes sans but. Et danse, elle danse, elle écrase de sa main son chagrin, car lui, oui lui, est parti à la guerre.